Bonjour, vous écoutez le 39e épisode de BCBT le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes. Mais cet épisode est tout à fait aussi, pour une fois, pour tous les hommes également. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. J'ai eu envie de faire cet épisode pour parler de la situation totalement nouvelle et inconnue actuelle du confinement lié au coronavirus. Et donc j'ai eu envie de faire cet épisode parce que, pour plusieurs raisons, parce que je vois que l'alimentation dans cette période préoccupe beaucoup de personnes, aussi parce que j'ai vu circuler sur Internet et les réseaux sociaux énormément de préoccupations, d'inquiétudes, de blagues sur la peur de grossir, qui était sans doute inconsciemment un peu grossophobe, et donc beaucoup de choses autour de la prise de poids qui paraît automatique dans cette période où on est bloqué chez nous. Et puis l'autre raison, c'est que, à titre personnel, j'ai été conviée dimanche à participer à l'émission « On va déguster » sur France Inter, qui est une émission de cuisine, mais où on m'a demandé de parler un peu comportement alimentaire dans les circonstances actuelles. Et ben, j'avais plein de choses à dire, et à la radio, c'est toujours trop court, donc j'étais très frustrée, donc ça m'a encore plus donné envie de faire un podcast. Alors, cette peur de grossir, qui conduit d'ailleurs un certain nombre de sites de magazines féminins à vous dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire spécial confinement ?» Est-ce qu'elle est légitime ? Ben, on va en parler. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout là pour vous dire absolument ce qu'il faut faire, vous donner une énième injonction à faire attention à votre alimentation. Mais comme j'ai été sollicitée sur le sujet, ben, je vais vous donner un certain nombre de pistes qui peut-être pourront vous aider dans cette période extraordinaire, peut-être angoissante et dont on ne connaît pas du tout l'issue. Alors d'abord, je voudrais parler de qu'est-ce qui me semble susciter cette peur de grossir. Bah, d'abord, il y a le fait d'être chez soi et de se dépenser moins. Le fait d'avoir peut-être rempli le frigo, d'avoir plein de nourriture à disposition alors que d'habitude on n'est pas chez soi. Le fait de s'ennuyer. Le fait d'être très angoissé, peut-être de façon régulière ou vraiment en lien avec la situation actuelle. Et donc d'avoir peut-être des problèmes renforcés avec la nourriture. Le fait d'avoir des gâteaux avec les enfants, bah pour vous donner un exemple, j'ai entendu l'autre jour à la radio une intervenante qui se réjouissait de faire des gâteaux avec ses enfants et qui a dit d'un air atterré « Mais après les gâteaux, on les mange, on va tous devenir obèses !» Exactement le genre de remarque que j'évoquais, vous imaginez comment les personnes grosses peuvent recevoir ces remarques et comment elles peuvent être blessées par ce type de remarques, même si certaines n'ont pas d'arrière-pensée. C'est vraiment inconscient, cette façon de dire, mais vraiment cette peur de grossir, elle a l'air d'habiter énormément de monde. Donc, bah, par rapport à tout ça, il y a un certain nombre de choses que je peux dire, peut-être un certain nombre de choses à faire. D'abord, bah, le fait d'être chez soi et de se dépenser moins, ça, c'est une réalité. À part si vous étiez déjà extrêmement sédentaire, bah, a priori, pour la plupart des personnes, bah, on bouge beaucoup moins. Pour vous donner mon exemple, moi, je nageais beaucoup, je marchais beaucoup. Bah, nager, autant dire que c'est zéro en ce moment. Et marcher, bah, c'est vraiment un tout petit peu pour faire les courses, prendre un tout petit peu l'air autour de chez moi. Puis des fois je marche chez moi quand je suis au téléphone. Et donc j'imagine que pour vous aussi, que vous marchiez pour aller au boulot, que vous ayez une activité physique, sportive, bah, probablement que tout ça est un petit peu au ralenti. Et donc par rapport à ça, bah, en fait, moi ce que je conseille, c'est de s'écouter, c'est-à-dire que c'est le travail que je fais avec mes patients, de se reconnecter à ces sensations de faim. Et bah, a priori, la faim, c'est une demande de carburant parce qu'on l'a consommée par nos dépenses énergétiques. Et donc, si on se dépense moins, logiquement, on a moins faim. Donc, il faut vraiment essayer de vous écouter, de vous rendre compte si vous avez faim quand vous vous mettez à table. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas très faim, peut-être que vous pouvez diminuer un peu les portions. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est vraiment en vous écoutant, voir si vos portions habituelles sont encore nécessaires. Donc, moins de dépenses, mais peut-être qu'on peut quand même essayer de se dépenser. Je ne dis pas ça dans une optique de dépense calorique, mais plutôt dans une optique de bien-être. C'est-à-dire qu'une activité physique, c'est aussi une activité qui permet de se détendre, se relaxer, évacuer du stress, évacuer des tensions. Et à mon avis, ça favorise aussi le sommeil. Donc ce que je crains dans la période actuelle, si on ne bouge pas du tout, c'est qu'on garde ses tensions et que peut-être on dorme moins bien. Et bien dormir, ça me paraît particulièrement important en ce moment, parce qu'un manque de sommeil serait vraiment générateur d'un stress supplémentaire. Et donc, avoir une activité, moi ce que je suggère, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous plaît, peut-être qui soit un peu différent de vos habitudes, pourquoi pas explorer. Donc, pour vous donner mon exemple, moi j'ai imaginé peut-être de danser, donc de mettre des musiques très dansantes et entraînantes chez moi et puis de me faire des petites séances de danse. Et puis, j'ai aussi commencé à regarder peut-être des cours de gym, même si c'est vraiment un truc que, a priori, j'aime pas du tout de façon générale. Mais là, le fait de faire ça à distance avec un coach très entraînant, de la musique, je trouve ça plutôt rigolo. Donc, je l'ai fait une fois et peut-être je vais recommencer. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres en ligne. Il y a aussi pas mal d'offres de yoga. La seule chose qui me paraît vraiment importante dans cette période, c'est de vraiment faire attention à ne pas faire de mauvais mouvements, à ne pas vous mettre en danger de vous blesser, parce que c'est vraiment, vraiment pas le moment d'avoir besoin d'aller à l'hôpital pour se faire soigner parce qu'on s'est fait mal. Donc vraiment faire plutôt des choses douces, des choses que vous connaissez, des choses sans risque. Et donc je pense qu'un minimum de dépenses est sûrement bénéfique à un bien-être général. Ça n'est pas une obligation, ne vous mettez aucune pression, mais vous allez vous rendre compte que si vous ne bougez pas du tout, vous allez vraiment ressentir le besoin d'évacuer des tensions. Peut-être qu'une autre inquiétude, c'est l'idée de manger différemment. Peut-être que habituellement on mangeait à la cantine, dans un restaurant d'entreprise, qu'on avait une alimentation équilibrée. Et ben, je pense que c'est tout à fait possible de prolonger ça chez soi. Et au contraire, il me semble que c'est l'occasion, sans se mettre du tout la pression à faire des plats compliqués, de cuisiner. Parce que vous allez sans doute quand même avoir un petit peu plus de temps, de peut-être revisiter vos livres de cuisine, trouver des recettes sympas, et puis si vous mangez une alimentation variée, avec une part de produits frais, ça sera tout à fait sain et plaisant. Il y a plusieurs patientes que je continue à suivre par téléphone qui m'ont dit qu'elles appréciaient beaucoup finalement de cuisiner des choses qui leur font vraiment plaisir, et qu'elles ont beaucoup moins besoin de compenser dans du sucré, parce qu'il y a eu beaucoup de satisfaction avec ce qu'elles ont mangé, ce qui n'est pas du tout le cas dans leur restauration habituelle. Par rapport à cette question de la cuisine et du confinement, je ne parle pas beaucoup en général de cuisine et d'alimentation sur le podcast, mais là c'est un petit peu exceptionnel. Je crois qu'il faut essayer de ne pas être trop dans l'improvisation, parce qu'on ne peut pas sortir comme d'habitude. Je crois qu'il faut vraiment sortir le moins possible et donc faire avec ce qu'on a dans ses placards et avec quelques achats complémentaires de produits frais et des produits qu'on peut trouver dans les commerces qui sont disponibles près de chez soi. Donc selon que vous habitiez dans une grande ville ou à la campagne ou dans les plus petites villes, vous avez sûrement une offre différente. Mais je crois que faire une liste de courses, donc réfléchir à des plats simples qu'on va pouvoir cuisiner, faire une liste de courses pour ce dont on a besoin et aller faire les courses une fois maximum 2 fois par semaine, ça me paraît être un mode de fonctionnement compatible avec cette idée de vraiment rester chez soi et sortir le moins possible. C'est pas du tout le moment, à mon avis, de se lancer dans des recettes compliquées à la Ottolenghi où il faut 15 ingrédients et où on va se rendre compte en cours de recette qu'on n'a pas telle épice, telle herbe, tel ingrédient, parce qu'il n'est pas question de ressortir chercher un ingrédient. Bien sûr que non, c'est vraiment, vraiment pas l'idée de la période actuelle. Donc plutôt réfléchir en avance et faire des choses pas trop compliquées. Et je pense que c'est une alimentation du coup qui peut sans doute être plutôt plus saine, plus agréable que ce que vous mangez d'habitude, même si ça crée une contrainte de cuisiner davantage, puisque à part les personnes qui avaient l'habitude de travailler chez elles ou de se faire à manger une gamelle, ben, beaucoup de personnes ont l'obligation maintenant de préparer à manger 2 fois par jour. Alors je pense selon le temps que vous avez, vous pouvez vraiment préparer 2 repas ou peut-être jongler quand même avec le fait de réaménager des restes d'un repas à l'autre, selon le nombre que vous êtes à la maison, de cuisiner des choses en quantité pour avoir des plats d'avance et pas passer quand même trop de temps à cuisiner. Une autre crainte par rapport à cette question de la cuisine, et donc pour rebondir sur ce que je vous racontais tout à l'heure de la radio, c'est le fait qu'on a du temps, on a les enfants, et qu'on aime bien faire des gâteaux avec les enfants. Ça me paraît un truc très sympa. Je vois fleurir plein de recettes de gâteaux, de cookies, etc. sur Instagram. Et il n'y a aucun problème à ça. Mais je crois aussi que cuisiner avec les enfants, c'est pas forcément cuisiner que du sucré. Et ça me paraît vraiment peut-être tout à fait l'occasion, si vous avez des jeunes enfants ou même un peu plus grands, de les associer à la cuisine de façon agréable, ludique. Donc s'ils sont tout petits, ils peuvent faire vraiment des choses très très simples. Et puis après, ils peuvent devenir vraiment des petits commis qui vont vraiment vous aider dans la préparation des plats pour à la fois passer un bon moment et vous faire passer moins de temps à vous-même. Donc vraiment, je pense que cette période, elle est plutôt, si vous arrivez à vous organiser, ce que je vous disais, à peut-être anticiper un peu les recettes, plutôt favorable à bien manger. C'est aussi peut-être une occasion de se reconnecter à soi et de se reconnecter à ses besoins alimentaires. Donc je disais tout à l'heure qu'on a peut-être un peu moins faim. C'est aussi l'occasion peut-être de sortir de son rythme habituel. Vous êtes chez vous, peut-être que vous dormez un petit peu plus longtemps, vous avez peut-être moins d'obligations de vous lever tôt pour prendre les transports, ben, peut-être que vous pouvez attendre d'avoir faim pour prendre votre petit déjeuner. Ça peut vous aider à prendre conscience de ce que vous avez besoin de manger le matin, ce que vous avez réellement besoin de manger, quelle quantité. Vraiment, c'est peut-être une occasion de faire des tests par rapport à votre appétit, par rapport à votre rythme alimentaire, pour trouver ce qui vous convient et vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas besoin de manger énormément. C'est aussi lié à la période du confinement et à ce que je disais tout à l'heure sur la fréquence des courses. Ce que me racontait une patiente, c'est que elle fait avec son conjoint un plein de courses par semaine. Ils ont prévu ce dont ils avaient besoin pour leur repas tous les deux. Et ben, elle ne se voit pas manger le stock en avance et du coup se trouver en pénurie de nourriture. Donc ça l'aide à être plus consciente des quantités qu'elle peut manger pour avoir la juste mesure de chaque repas. L'idée d'avoir fait du stock de nourriture, d'avoir un frigo plein, ça peut quand même inquiéter certaines personnes. Pour des personnes qui ont déjà des difficultés avec la nourriture, qui ont des envies de manger émotionnelles, cette période peut être particulièrement compliquée parce que se retrouver chez soi avec beaucoup de nourriture, ça peut vraiment créer des envies de manger. Si c'est le cas, ne culpabilisez pas. Peut-être que ça n'est pas le moment de vouloir et de pouvoir régler tous ces problèmes. Ça n'est pas grave. C'est un long chemin et il sera temps de le reprendre un petit peu plus tard. Mais vous pouvez aussi décider d'être vraiment à l'écoute de votre état émotionnel. Est-ce que vous vous ennuyez parce que vous avez beaucoup de temps? Parce que vous êtes seul et que vos collègues vous manquent? Dans ce cas, est-ce que manger est une occupation? Peut-être que vous pouvez prendre votre temps. Là, on a eu quelques jours un petit peu de transition, de démarrage de ce confinement. Peut-être que maintenant, il est temps de vous rendre compte de vos besoins, de votre rythme sur la journée, de comment vous pouvez vous organiser par rapport à votre travail. Est-ce que vous travaillez encore à plein temps, en partie, pas du tout? Quelles autres activités vous pouvez avoir chez vous? De lecture, de travaux manuels, de cuisine, de yoga, de dessin, d'écriture, de rangement, de tri, de tricot, de tout ce que vous voulez. Comment on peut essayer de tirer parti de ce moment pour faire des choses qu'on remettait toujours, comme par exemple enfin classer ses photos et faire des albums photos ou toute autre chose que vous avez envie de faire. Peut-être comme moi, vous avez un certain stock de livres que vous n'avez pas lus et j'espère que j'aurai le temps d'en lire quelques-uns même si je continue à travailler. Donc voilà, se dire que peut-être cet ennui, il peut être comblé par d'autres choses. Il est aussi possible que cette période, elle crée beaucoup d'émotions pénibles et désagréables. Bien sûr qu'il peut y avoir de la frustration à rester chez soi et pas pouvoir mener sa vie habituelle. Il peut y avoir du stress par rapport à la situation, des angoisses, des peurs, par rapport à déjà tomber malade, par rapport à son travail, à la suite des événements, à son budget. Il peut y avoir, et ça me paraît extrêmement légitime, de la tristesse, de la colère par rapport à la situation terrible des soignants qui se battent pour soigner des personnes et les maintenir en vie en se mettant eux-mêmes en danger. Bref, il peut y avoir toutes sortes d'émotions très pénibles en ce moment. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui existent en ligne, de méditation, d'aide psychologique, de conseils, qui peuvent vous aider à être à l'écoute de ce que vous ressentez, pas forcément essayer de le fuir ou de l'anesthésier. Il me semble que l'écriture peut être aussi une aide dans ces moments-là, de mettre sur le papier tout ce qu'on ressent. Beaucoup de personnes parlent d'un journal de confinement. Il ne s'agit pas de rentrer systématiquement là-dedans, mais peut-être de lâcher un petit peu sur le papier tout ce qu'on a en tête, tout ce qui nous inquiète, toutes nos peurs. Ça peut aussi aider à prendre un petit peu de recul. Je répète, il n'y a pas d'obligation à faire tout ça. Si vous avez envie de ne rien faire, envie de paresser, ou que vous travaillez normalement, que vous voulez mettre la question alimentaire de côté, c'est vraiment votre droit. Il n'y a aucun problème, mais en tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette période du point de vue alimentaire si, comme je le disais, on peut s'écouter, cuisiner, faire des achats adaptés, manger avec plaisir. Et puis, ce qui me paraît très important à dire également, c'est que c'est pas grave du tout si vous prenez 1, 2, 3 kilos pendant cette période. Cette période de confinement, elle ne sera pas éternelle. Et quand vous reviendrez à vos anciennes habitudes, vous retrouverez votre juste poids. C'est comme quand une personne fait un jeûne, et bien elle perd quelques kilos et bien sûr, elle les reprend quand elle se remet à manger normalement. Ça sera pareil dans l'autre sens. Le corps, il est fait pour revenir à son poids d'équilibre. Poids d'équilibre dont je parlais dans le 18e épisode du podcast. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de conjoncturel, lié à une période très particulière. Essayez de prendre les choses jour après jour, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, de ne pas vous surinformer si vous sentez que ça vous inquiète, de maintenir le contact avec les personnes qui vous sont proches, même si c'est à distance. Enfin bref, de faire tout ce qui vous fait du bien et de manger aussi ce qui vous fait plaisir sans vous priver. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé. J'espère que vous vivez pas trop mal la période actuelle. Nous ne sommes encore qu'au début. On n'a aucune idée de la façon dont ça va se passer. On n'a aucune idée de ce qui se passera après. Donc, autant que possible, essayons de vivre dans le présent et, je le répète, de faire ce qui est bon pour nous et pour nos proches. C'était le 39e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast est habituellement disponible le premier vendredi de chaque mois. Cet épisode est un petit peu exceptionnel. J'espère qu'il vous a intéressé. BCBT le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.